Yes. Bass. Hey. Shalalambo. Bada bada badambo. Hey. Hey. Chililambo le massif, tout le passé. Bada bada badambo le massif, tout le passé. Chibidambo. Shalalambo. Flash it. Shalalambo. Tout le massif, tout le passé, m'en venez pas les dix admet. Dans chaque commune, en l'est ou qu'habité. Toujours en l'est en place, boloto et calavé. Centimètre par centimètre, il est ébrié. Pendant temps en caille, la madame l'est bien fermé. C'est immense, mais elle a qu'à jouer. Mon arbre qu'a fait manger. Pas en l'eau parce que arbre ni crédit à payer. Il choisit entre fumer ou bien manger. Le vendredi soir, c'est bol Olympia, il qu'a aller. Et ensuite, Mandou Albert, qu'a déplacé. Mandou c'est bébé, bébé. Mandou c'est bébé, bébé. Mandou c'est bébé, bébé. Mandou c'est bébé, bébé. Parce que tous les jours, il qu'a nettoyé. Parce que tous les jours, il qu'a astiqué. La semaine passée, Albert Babier et puis madame Lee. Parce que madame Lee dit, faudrait changer un peu ta vie. Mi s'est crié. Si mon bail est capléré, Albert a continué, madame Lee capléré. Albert a continué, dans un moment tout nous couché. Albert a continué, moralité, tu m'as dormi, mais l'auto est pas qu'il qu'on aller. Sinon, Albert est fâché, et tension qui est montée. Il faut qu'on comprenne que l'auto c'est un moyen de locomotion. Pour Albert Mandou, c'est un grand sujet de conversation. Il y a plus belle gens, des gros mots, plus belle caxon. Mais, tous les jours. Comique un homme paie maladie matérielle pour en loto, en moto, il n'y a des bouquets qu'à des biais. Il y a qu'à oublier qu'il m'en souffle pas bagarre qui éternel. Dimanche passé, Albert descend saline. En l'est la route, il prend tirage et puis en alpine. Malheureusement, l'auto dérapé à dents en ravine. Grâce à deux personnes pas blessées, mais l'auto a bien cassé. Albert a pleuré, Albert a débilé. Un grand homme dit, Missia, pas pleuré. Albert dit, chut, l'auto moins crasé. La semaine fâchée et acheté un mobilette pour déplacer. Mais, Albert est bec en mouton, mon douce aimer. Albert vraiment couillon, mon douce aimer. Albert est bec en mouton, mon douce aimer. Albert vraiment couillon, parce que tous les jours, il gastique, mon douce. Tous les jours, il a nettoyé. Lève ta main si tu connais Albert. Lève ta main si t'es pas interbet, son nom c'est. Lève ta main si tu connais Albert. Lève ta main si t'es pas interbet, parce que l'homme dit Andy, ce n'est pas un Albert. L'homme Janik, ce n'est pas un Albert. L'homme Skanky, ce n'est pas un Albert. L'homme Radical, ce n'est pas un Albert, parce que c'est bête. Ils sont bêtes comme des moutons, son nom c'est bête. Ils sont bêtes comme des moutons, son nom c'est bête. Ils sont bêtes comme des moutons, son nom c'est bête. Ils sont bêtes comme des moutons.